Quel est le rôle de l'ange Uriel? Tous ces anges ont un rôle... Dans l'étymologie, la majorité, sinon la totalité des anges dont le terme finit par Dieu, Yel, ils ont des rôles collectifs de direction, de dirigent l'évolution des masses dans la spiritualité vers ce que les traditions exigent de l'humain. Autrement dit, à un moment donné, il y a des archanges, il y a d'autres mécaniques que certaines personnes vont rencontrer qui vont leur permettre de fuir ou d'échapper à l'évolution archangélique des masses, donc à l'évolution prescrite par la tradition, qui normalement devrait aboutir à un apocalypse majeur pour plusieurs années après s'étirer et finalement se transformer dans une apothéose. Alors qu'il y a donc quelques personnes qui vont avoir la possibilité d'échapper totalement à l'apocalypse. Alors, tous les anges qui finissent donc par... leur nom exprime le mot Dieu, ce sont des anges qui, normalement, servent l'humanité vers l'apocalypse. Donc, si on regarde Gabriel, qui est un serviteur de Dieu, si on regarde Daniel du point de vue des prophètes, Michel dira la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Et Emmanuel, Ézéchiel, ce sont des serviteurs de Dieu, et ce Dieu est le Dieu qui, normalement, gère la structure évolutive astrale de l'humain, c'est-à-dire que ce sont les dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, et il y a donc des anges de masse qui ont été attribués à l'illusion des dieux humains, des dieux créés par l'humanité, et qui vont faire en sorte que les prophéties installées et instaurées dans la conscience de ces dieux-là, créés par l'humain, et qui a été par la suite transféré dans la conscience astrale de l'humain par le biais des prêtres, ces anges-là ont comme fonction de faire en sorte que ce qui a été prophétiquement annoncé arrive. Bon, fait que là, ça, c'est un cercle vicieux, là. L'homme crée un dieu... C'est un cercle, en tout cas. OK, c'est un cercle qui revient sur lui-même. Non, il change d'octave à chaque fois. Mais ça tourne, c'est pour ça que ceux qui évoluent comme ça sont toujours un peu perdus. Quand t'es tourné. Regarde bien là. Vois si j'ai bien compris. Faut que je regarde voir si t'as bien compris. Écoute. OK. Écoute si je comprends. Alors, parle. Bon, l'homme crée un dieu, puis finalement, le dieu-là forme, établit une tradition, et puis après ça, la tradition... Tu me diras si t'as compris. Vas-y donc. Oui. Je vais rester ici, mais je vais le dire. C'est aussi bien que toi, là, je suis branché sur toi, t'as plus jamais branché. Bon, alors ce qui arrive simplement, c'est que le contexte astral va créer des dieux. Oui. C'est l'humain qui les crée. Oui. La mécanique archangélique, qui veut adoucir l'humanité, va l'adoucir, ce qui manipule l'homme dans son ego, dans son âme, dans son astral. Alors elle va venir se servir de biais, de servir de, disons, de communicateur entre les dieux créés dans l'astral par l'humain et l'homme. Autrement dit, l'homme a créé des divinités et l'homme s'est aplati. Les anges vont venir entre les deux pour redresser l'homme debout avec des prophéties qui vont dire à l'humain, un jour tu seras à la hauteur de, ou tu seras assis à la droite de, ou tu auras intégré le, ou tu commanderas le Dieu. Ça, c'est l'ange qui amène ça. C'est le rôle des anges dont la terminologie, le nom finit par « yel » ou « elle ». Alors, c'est pas l'homme qui s'est... Créer les anges? C'est créer finalement un rôle ou un résultat dans le futur? Non, l'apocalypse est essentiel pour ceux qui évoluent en fonction des dieux astraux, donc des dieux qui vont créer des désastres, des astraux, hein, bon. L'apocalypse est essentiel pourquoi? Parce que l'humanité qui évolue seulement en fonction de son ego, de son âme, est une humanité croyante. Alors l'humanité va croire dans la science, l'humanité va croire dans l'homme, l'humanité va croire dans Dieu, l'humanité va croire dans un paquet de choses. Et dans la prochaine apocalypse, tout ce dans quoi l'humain croit va s'effondrer. Alors il va rester que l'humain au plus bas fond de ce qu'il peut être. Il y a plusieurs personnes qui vont se suicider, mais à cette époque, il y aura des personnalités qui vont commencer à dissoudre le monde de la mort. Donc, ils vont prendre l'énergie placée dans le monde de la mort depuis des milliards d'années et ils vont s'en servir pour recréer des paradis sur le plan planétaire. Donc, pour créer, par exemple, une forestation des lieux qui ont perdu leurs arbres. Ils vont donc prendre des déserts et les transformer. Ils vont dépolluer. Ils vont réensemencer les lacs, les rivières. Ils vont retransformer les choses avec cette énergie-là. Et l'humain qui voudra mourir, qui va se suicider, il ne pourra pas gagner le monde de la mort. C'est ce que Chien, d'ailleurs, prophétise aussi. L'homme ne pourra même plus trouver la mort. Alors, les personnes, vers la fin, donc on parle de la race humaine dans sa globalité, à part évidemment les quelques rares personnages, d'une centaine de milliers, qui auront la possibilité, à cause de leur conscientisation, de quitter une partie du contexte évolutionnaire planétaire pour se retrouver quelques années plus tard, lorsque ça sera le temps que ces personnes-là commencent, viennent restaurer un peu plus ce contexte planétaire. Alors, il y a donc cet apocalypse qui s'en vient pour la majorité des personnes. Il est encore évitable, mais disons que tout présentement est fait en fonction de l'apocalypse. Tout ce qui a été prévu arrive. C'est encore évitable. Là, je viens de vérifier, j'ai perdu un bout. Là. Est-ce que c'est Passe la cassette. Qui va venir générer ça, là? Est-ce que tu as dit que c'était les anges? Non. Okay. Qui va revenir régénérer la planète? Oui. Ça va être des êtres humains, okay. Des êtres nouveaux. Ce qui étaient là, qui sont... Appuyés d'archanges, de mécaniques extraterrestres. Bon là, ça veut dire que les anges, ils se font avoir, ben non, ils font un travail inutile, venant s'établir dans la structure d'un dieu, parce que là, ça sort pas de toute façon, ça va vers l'apocalypse. Oui, c'est ce que les anges font. Les anges ont simplement adouci et facilité la transition de l'humain de la partie, disons, très animale, hein, du magma de cellules un peu confuses, jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. Ils viennent rendre l'enfer un peu plus froid, doux. Un peu ça. Plus confortable. Okay. C'est ce que les prêtres vont dire quand ils disent mettre du baume sur le cœur. On n'a rien guéri, on n'a rien organisé, mais ça paraît moins. C'est la médecine de l'évolution. C'est ça. C'est ça. Okay. Les anges en sont les médecins. C'est pour ça que quand on pose des questions, on n'a jamais de réponse. Est-ce que l'esprit peut connaître l'ennui? Non. Non, c'est l'humain à l'intérieur de son ego qui connaît l'ennui. C'est l'humain qui, à un moment donné, manque de stimulation, qui connaît l'ennui. C'est l'humain qui a un ego qui ne peut plus s'exprimer, qui connaît l'ennui. Alors, si tout ça est là, parce que l'âme, l'ego, c'est assujetti à deux lois. Devoir s'exprimer pour savoir que c'est là. Si ça ne peut pas, ça s'ennuie. Et devoir s'alimenter pour continuer à être là, parce que l'âme et l'ego sont constitués de mémoire. Et c'est de là que va venir l'expression « mourir d'ennui ». C'est qu'effectivement, la partie de l'ego qui s'ennuie meurt si on ne l'alimente pas. Alors, il vient un temps où la personne, l'ego, cherche la télévision, elle appelle quelqu'un, elle sort, elle a besoin... Un peintre, une personne qui s'ennuie, qui commence à faire du tricot, n'importe quoi qu'il peut créer, elle s'exprime. Donc, l'ego sait qu'il est là, donc elle ne s'ennuie plus. L'ennui est typique de l'ego, pas de l'esprit. Quelle est la différence entre ange et l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée, c'est un canal. L'ajusteur de pensée, c'est un canal constitué à même le corps vital, que les acupuncteurs traitent un peu. C'est un canal qui relie l'âme normalement au canal réincarnationnel. C'est-à-dire que quand les personnes parlent de voyage astral, ils disent qu'on est relié par une corde d'argent au corps physique. C'est le canal réincarnationnel. Et ce canal-là est celui aussi qui nous relie au monde de la mort. Et c'est par ce canal-là que les entités, que les mémoires se réincarnent 24 heures sur 24 chez nous tout au long de notre vie. Normalement, le canal a un nom. Alors, l'être humain, lorsqu'il vient au monde, il est relié au canal d'un dieu, d'un égrégore particulier, qui va s'incarner dans le corps physique. Et on aura le nom. Et ce nom, normalement, va être le nom de la religion sous laquelle on est venu au monde. Et c'est extrêmement important, le nom du canal. Et je dis souvent que tous les hommes ici qui sont chrétiens, qui sont, disons, d'obédience involontaire catholique, sur le baptistère, ça commence par Joseph. Alors, Joseph, X, Y, Z. Bon. La femme, ce sera Marie et les autres noms. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque fois que ces personnes-là vont vivre de l'émotivité, on veut qu'elles nourrissent ce Dieu-là. Parce que Dieu, les dieux créés par l'humain, se nourrissent des souffrances de l'homme et des joies de l'homme, se nourrissent de l'émotivité humaine. Si on prend une personne puis elle change de religion, la première chose qu'on fait, on la rebaptise. Pourquoi? Parce qu'on veut la déconnecter de l'égrégore qui est particulier et on veut la connecter à l'égrégore de la nouvelle religion parce qu'on veut qu'elle nourrisse le bon Dieu. Alors, le canal réincarnationnel, c'est celui-là, il a un nom. Le nom, c'est toujours la perception laryngée, hein, c'est la communication, l'expression laryngée plutôt, d'une perception vitale. Quand le Nazaréen était capable de percevoir chez l'individu le problème, il envoyait la forme, il arrivait à mettre un nom sur la forme, et après, tout ce qu'il va faire, c'est commander. Alors, il pouvait dire simplement, machin chouette, sort, fautant, faisait bon, il pouvait commander. Le nom, c'est pas uniquement un nom comme ça qu'on donne comme ça au hasard. C'est une clé. Le canal ajusteur de pensée, il est aussi relié à l'âme, mais il est relié au canal réincarnationnel chez la majorité des humains. C'est pourquoi il ne sert pas à grand-chose. À un moment donné, lors de la conscientisation, il se déconnecte du canal réincarnationnel et il commence son cheminement à travers le monde astral pour parvenir à un moment donné à se connecter à l'extérieur de l'astral, au plan supramental, à l'énergie christique. Et c'est là que l'humain entre en contact avec son esprit, donc avec lui-même. L'ange est une mécanique qui va agir dans le plan moronciel et qui agit immédiatement entre le monde de la mort et le monde de la vie pour atténuer le contact entre la mort et la vie, entre les dieux et l'homme, entre les personnes décédées, les mémoires, et les mémoires qui vous habitent présentement, que vous avez cumulées au cours de votre vie. Alors, l'ajusteur de pensée et l'ange sont relativement différents. L'ajusteur de pensée, c'est un canal qui peut permettre même à un être humain de traverser le plan supramental, de traverser le plan bouddhique et même de rejoindre le plan de l'intentionnalité, qui est la fine fleur de ce qui est exprimé au niveau de la création. Et il permet même à l'humain d'entrer en contact avec ce qui est au-delà de la création, donc avec ce qui est extra-créationnel. Alors, il y a une bonne différence entre l'un et l'autre. L'ange, à un moment donné, on fait l'ange, c'est toujours une réplique limitée et petite de ce que vous êtes. L'ajusteur de pensée, c'est quelque chose qui va vous permettre, à un moment donné, d'entrer en contact avec la globalité de ce que l'homme est, donc de ce que la femme est, de ce que l'enfant est, de l'esprit. Quand on en parle, c'est toujours un peu compliqué, parce que souvent l'individu s'identifie à ses mémoires. Alors, je dirais, ça va vous permettre d'entrer en contact avec votre esprit. Dans la réalité absolue des choses, c'est l'inverse, ça va vous permettre d'entrer en contact avec votre corps. Et présentement, c'est la mémoire de vous-même qui habite le corps, et au niveau du corps physique, il pense que c'est lui. Et il accepte la souffrance, il accepte la misère, il accepte de vivre comme il vit ici, alors que... c'est pas lui, ça. Pas lui du tout. Je répète souvent qu'il n'y a pas d'obligation à ce que l'homme vive une évolution et une conscientisation souffrante. Ce n'est pas obligatoire. On évolue par la souffrance, on peut se conscientiser par la souffrance, mais ce n'est pas le chemin attribué à l'homme. On vit dans un monde de prédateurs et on a cru qu'on était assujetti à ce mode d'évolution darwinienne, d'adaptation. Et on continue encore à le faire parce que depuis des millions d'années, on est psychologiquement, astralement, émotivement ancré là-dedans. L'humain n'a pas besoin de souffrance pour avancer. Il est intelligent. Il a besoin que l'intelligence se révèle. Il est capable de douceur. On n'apprend pas à être doux en souffrant. On apprend à s'écœurer. Et à force de s'écœurer dans la souffrance, on en arrive à l'écœurement qui normalement libère l'ajusteur de pensée, mais ça peut se faire par l'éducation. Et lorsque l'ajusteur est libéré, ben là, on va chercher de nouvelles informations qui viennent juste écœurer l'ego, parce que là, on voit plus clair la merde dans laquelle on est. On voit plus clair comment on est. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on est. C'est ce que ça l'a donné. L'expression du peu d'intelligence qui nous traversait dans le contexte planétaire. Et on pense que c'est nous autres. Êtes-vous laide? Vous regardez le passé pour le savoir. Alors que ce que vous êtes, c'est instantané. Donc, c'est pas ça. Si vous vous dites, ah ben moi je suis, c'est plus vous. Il y a un paquet de problématiques dans le niveau de l'astral qui vont rester, qui ne voudront pas partir. Il faudra un jour aller fouiller et aller éliminer. Par chirurgie astrale ou par d'autres mécaniques. Sauf que l'être humain n'a pas l'obligation de vivre dans la souffrance, ce n'est pas son poids. Ce n'est pas lui. Il le fait parce qu'il est habitué. C'est comme on va dire, pendant des milliers d'années, on disait, ben écoute, c'est normal que la femme lave la maison et qu'elle fasse la cuisine. Ça a toujours été comme ça. Ben l'humain évolue en souffrance, ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas une loi qui s'adresse à l'humain. C'est une loi que nous, on croit. Un peu comme les lois qui existent aujourd'hui, je le dis de temps en temps, si vous arrivez à l'hôtel vendredi prochain avec votre cheval, l'hôtel est obligé de l'héberger, de le nourrir et de le panser. Donc, c'est obligé de le brosser, de donner du foin, donner de l'eau. C'est une loi fédérale. L'hôtel ne le fera pas, vous poursuivez, vous allez gagner. Ils n'ont pas le choix. Si vous sortez de prison, vous réclamez 50$ et un cheval. La loi n'a pas été changée. Ils sont obligés de vous le donner. Le cheval vaut peut-être 600-700$. Ils en prennent un encan pas cher, avec une selle, évidemment. Ça va de soi. Alors, on y reste assujettis à des lois qui ne sont pas pour nous, qui ne sont plus pour nous. Et c'est la même chose pour l'éléphant. L'éléphant, quand on veut le dresser, on l'attache avec un gros piquet de métal, avec une grosse chaîne. Puis quand il est rendu adulte, beaucoup plus puissant, on l'attache n'importe où avec une petite corde. Il n'essaie pas de s'en aller parce qu'il se rappelle qu'il a déjà essayé et qu'il n'a pas été capable. Alors il reste là. Du moment qu'il sent la corde après sa patte, il reste là. Il sait. Tu compris, lui, il sait tout. Mais il n'a rien compris du tout. Une chance qu'il y ait de la mémoire. S'il n'y en aurait pas, il s'en irait. Mais l'humain, c'est un peu la même chose. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que l'obligation d'évoluer dans la souffrance est partie. Et puis là, on continue comme ça. Lorsque, dans une démarche de conscientisation, il y a des moments, bon, présentement, ce qui se passe, c'est que l'humain va, s'il n'applique pas des choses qu'il sait qu'il doit appliquer, mais là, il arrive à un coup dur, puis là, il souffre. Plus ça va aller, oui, pourquoi? Parce que l'ego de l'humain est tellement habitué à penser qu'il doit souffrir, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que votre intelligence va vous dire quoi faire, et l'ego ne vous autorisera pas à le faire tant que vous n'aurez pas suffisamment souffert. C'est mériter ta paix. Alors, ça va faire en sorte qu'il y a une mécanique, et non pas une loi, une mécanique très plate, qui est appliquée volontairement au Tibet, qui va faire en sorte que les personnes qui auront à s'en sortir les premières mangeront le plus de problèmes avant. Bon, au Tibet, l'idée est très simple, c'est que les fils de riches sont mal habillés, couchent dehors, on les bat, on les insulte, on les bafoue. À l'école, ils n'ont presque rien, on ne leur achète pas de jouets. Les fils de pauvres, eux, on les vêtit convenablement, on leur donne ce qu'il faut, on les réchauffe, on les aime, on joue avec eux, on leur donne des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fils de riche, une fois qu'il va être riche, adulte, il va tout avoir. Alors, dans sa jeunesse, on y ôte tout, histoire de compenser karmiquement. Le fils de pauvre, lui, on sait très bien qu'une fois adulte, il va être un mendiant, il va souffrir énormément. Dans sa jeunesse, on lui donne au maximum pour compenser. C'est idiot, mais la planète fonctionne encore comme ça, ce qui fait que la majorité des personnes qui se conscientisent risquent, s'ils ne comprennent pas et n'appliquent pas rapidement, de vivre un karma extrêmement noir, comme s'ils auraient à purger tout le karma qu'ils ont chez eux en quelques années, plutôt que de le payer en... Mais dans la conscientisation, le karma... Tant qu'il n'est pas suffisamment conscient, il reste attaché à toi. Il ne devrait parce plus l'avoir. Non, il n'y en a pas non plus. Karma, il n'y en a plus chez l'être humain qui se conscientise. Mais parce que l'humain a de la mémoire, parce que l'humain est capable encore de se rappeler, parce que l'humain est capable d'haïr, parce que l'humain a une mémoire inconsciente qui continue à le triturer et à le maganer, le karma reste là. Le karma est uniquement attaché à l'humain à cause de sa mémoire. Là, le même individu, lui, qui, bon, il a c'est pas pour, le même individu. Que là, il a décidé d'appliquer, mais finalement, non, mais de peur de se faire entrer dedans. Il n'a pas décidé de rien appliquer. Il fait semblant, puis il va se faire entrer dedans comme il faut. Parce qu'ils ne pourront pas comprendre les subtilités de l'application. Vous savez, il faut commencer par appliquer, puis c'est pas long, que vous appliquez plus, vous allez accomplir. Puis l'accomplir, ça ne demande plus de réflexion. Tu n'es pas là à dire, bon, là, le matin, il faut voir, je me fasse savoir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ai-je médité? Est-ce que j'ai soigné ma chatte comme il faut? Là, le soir, tu as mal aux dents. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct aujourd'hui? Oui, c'est ça. Tu as sujetti un karma de sucre qui date de 22 ans. C'est ça que tu as fait. Puis comme tu as encore de la mémoire, puis comme tu as encore de l'ego, puis comme tu es encore là en train de te compliquer la vie dans la conscientisation, comme s'il fallait que tu fasses que faut, comme s'il fallait que tu apprennes à te conscientiser, alors que tu n'apprends pas. Les conférences, il y a des choses qu'il faut appliquer à un moment donné parce que ça va atténuer, ça va rendre moins souffrant l'évolution. Mais la majorité des choses, à un moment donné, l'humain doit le vibrer. C'est ça la conscientisation. La conscientisation, ça veut dire que ce n'est pas de l'apprentissage. Et il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui ont tout appris ce que je dis, qui ont appris ce qu'ils ont lu, qui ont appris ce que d'autres disent, qui ont appris. À un moment donné, ils le comprennent. Puis à un moment donné, ils souffrent énormément. Là, c'est la crise totale parce qu'ils se rendent compte maintenant que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont cru, c'est vrai. Là, ils conscientisent. Alors, c'est totalement différent. Personne vibre une action à porter, là, c'est évident. Mais excepté que l'ego, là, dans les pattes, là. Elle a intérêt à faire son action. C'est ça. Mais là, c'est ça, je vais en venir, là. C'est une souffrance, ça. C'est une souffrance parce qu'il n'y a pas encore assez d'individus qui sont passés déjà là. Fait que pour arriver au même résultat, c'est une question, est-ce qu'on souffre un petit peu à tous les jours, ou bien non, une fois par mois, puis ça vaut à tous les jours. Lequel tu préfères? Ben, ni une, l'autre. C'est la seule réponse qui a de l'allure. Je ne dis pas qu'on ne souffrira pas encore un peu, mais c'est la seule réponse. Il faut que l'humain commence à prendre l'habitude de répondre autrement que par ses mémoires. Mais moi, tant qu'apprendre des deux souffrances, je préférerais... C'est stupide de souffrir, c'est pas ça du tout. On doit cesser de... Bon, prenons l'exemple. L'homme dirait à la femme, écoute, tu fais les chaudrons ou tu fais le plancher, lequel tu veux. Je vais aller travailler. Eh bien, c'est du travail, ça, là. Pas ça. Bon, on comprend. Faut qu'on finisse l'humain, faut qu'il finisse par répondre, par être capable de se brancher différemment pour amener des réponses neuves. La réponse, on s'en balance. Mais quand vous avez une réponse neuve, c'est vous qui devenez neuf. Vous mettez au monde. Alors, c'est sûr que si tu fais ça une fois par année, le reste de l'année, tu souffres. Mais c'est pas de devenir neuf qui fait souffrir. C'est de rester vieux alors qu'on a la capacité de naître. C'est ça qui fait mal. Quand vous souffrez de quelque chose, c'est pas parce que vous voyez qu'il doit vous devez faire, c'est parce que vous n'êtes pas capable. C'est la résistance, c'est la force qui nous habite, qui veut nous empêcher de bouger. Puis c'est elle qui souffre en plus. Si tu le fais, tu vois que c'est extrêmement difficile à faire, puis si tu le fais, tu te rends compte que c'est extrêmement facile à faire. Il y a un peu de questions. D'accord. Ah. Je suis manipulé. Dans les cassettes du Québec ésotérique, vous faites mention d'événements d'enlèvement de certaines personnes par un vaisseau spatial invisible au-delà des terres de Saint-Jérôme. Il y a des gens qui disent que cela se produira en avril 1993 et que l'endroit pourrait être la région de Mont-Laurier. Que pensez-vous de cette date, année et de cet endroit comme lieu d'enlèvement? Bon, ben, je vais vous répondre honnêtement. Si je vous dis que la date est bonne, soyez certains que moi, je n'irai pas. Tous les imbéciles vont être enlevés. Et puis après ça, j'irai. Ou avant ou après. Les dates, puis quand je parle d'imbéciles, c'est pas un imbécile. On donne une autre date, puis une... Ah, ben, tu sais, il est rusé, lui. Tu sais, d'un coup, ce serait la bonne date. Fait que je vais dire, non, c'est pas avril, c'est mars. Fait que mars, il y a un paquet de personnes qui vont y aller sans savoir ce qu'ils font là. Ils iront en avril. Ils vont se faire enlever. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Les dates, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'avenir est toujours en mouvement, extrêmement souple. Les dates sont toujours données à titre de référence, mais chaque fois qu'un être humain conscientise un peu plus, la date est décalée dans l'avenir, elle est reculée. Ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va dire une date à une certaine chose, et c'est vrai. Mais deux semaines, trois ans, quatre ans, cinq ans après, on ne peut pas se fier à la date. Alors, on va aller vers la date et on va dire, bon, ça y est, on s'est fait fourrer. Tu sais, c'était pas vrai. C'était vrai. Ce n'est pas vrai, mais c'était vrai. Alors, effectivement, Mont-Laurier est un territoire extrêmement intéressant. Mont-Tremblant, la montagne qui bouge. D'ailleurs, j'ai un de mes amis dernièrement, que tu connais, qui a voulu changer, je ne sais plus quoi, une motoneige contre le Mont-Tremblant au complet. Puis l'autre n'a pas voulu, là, puis il a fallu... Bon. Mais il faut comprendre aussi une chose, ça sera là où les personnes ne s'y en attendent pas, à l'heure où les personnes ne s'y en attendent pas, et quand les personnes ne s'y en attendront pas. Ça veut dire que seuls ceux qui, à un moment donné, sauront exactement ce qu'ils doivent savoir au bon moment, ben ceux-là vont nécessairement être à la bonne place. Et ce qu'on doit comprendre surtout, c'est que si par hasard, disons, il y en a une ou deux ou trois aussi, ou 15 personnes ici, là, qui devraient peut-être échapper à l'apocalypse, et vous n'êtes pas à la bonne place, ça va changer quoi? Ça va nous faire ramasser quand même. T'sais, l'idée, c'est une idée temporelle et non pas une idée spatiale. Tu comprends? Non. Parce que c'est la même affaire. Oui, mais non. Mais pas comme je le disais. C'est une question de coordonnées spatio-temporelles plutôt que coordonnées terrestres spatio-temporelles. Ce que je veux dire par là, c'est que l'endroit n'est pas important, c'est la qualité énergétique d'un territoire qui va être déterminant. Présentement, c'est Mont-Laurier, mais les émanations telluriques sont toujours en migration au niveau des couches tectoniques, donc du sol. Et deuxièmement, au niveau de la date, c'est une date énergétique. Ça veut dire que si un être humain se conscientise, c'est retardé. La saveur du territoire ainsi que la saveur du temps, c'est ce qui détermine la chose. C'est pour ça que c'est pas une date ou un endroit particulier. Mais ça veut pas dire que ça va arriver de toute façon. Ah ben non. Mais ça va arriver. Et d'un coup que je change. Bon, écoutez bien. Non, mais c'est ça, si l'humain change, ça va être retardé. L'apocalypse, c'est même pas nécessaire. Et tout peut changer. On peut faire mentir le passé tant qu'on veut. Mais tout le monde croit au passé, les personnes croient au vivant. Je dis souvent, si moi je vous dis une chose, la majorité ne croit pas. Puis si je vous dis que c'est le patriarche public qui l'a dit, là le monde me croit. Les gens croient les morts, ils ne croient pas les vivants. Mais c'est la même chose là. Les gens croient le passé, les gens ne croient pas l'instantané. Si tout le monde décide de changer, ouais, mais il y a des prophéties. Oui, on croit les morts. On croit le passé. On ne croit jamais la spontanéité l'instantané. Il y a des personnes qui ont lu des livres de psychologie pour essayer de se comprendre avec ça. À un moment donné, ils se comprennent mieux et différemment, mais c'est pas en accord avec ce qu'ils ont en mémoire. Ben là, ils commencent à rejeter. Pas la mémoire, ce qu'ils ont eux. L'être nouveau, celui qui transite, a la capacité, à un moment donné, justement, de se dire que ça, là, c'est bon. Plus pour moi. Ben, l'apocalypse aussi, c'est pas bon pour moi. Puisque Jésus-Christ, Christ avait une génétique particulièrement intéressante à transmettre et qu'il l'a fait, comme tu l'as dit, qu'est-il devenu des enfants qu'il a engendrés? Ont-ils joué un rôle particulier et en jouent-ils toujours un sur cette planète? Oui, la majorité des seigneurs et patriarches, on parle de patriarches, disons des rois, anglo-saxons et français sont des descendants directs des lignées nazaréennes. Une grande partie de ceux qui ont dirigé l'Allemagne, les Klingsor entre autres, sont descendants aussi. Et à travers le temps, il y a eu des descendants romains, il y a eu plusieurs papes. Pas dans les premiers papes. Et il y a eu plusieurs autres personnalités qui ont une génétique totalement nazaréenne et qui ont servi soit sous le nom des Rose-Croix, ou le nom de la franc-maçonnerie. Plusieurs personnages qui ont été connus, qui sont des descendants génétiques de la lignée nazaréenne. Ça implique nécessairement qu'ils étaient en contact avec une certaine forme de... avec une forme intéressante de conscientisation. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de comprendre des choses plus rapidement que la majorité de leurs contemporains. Ils n'étaient pas nécessairement en contact avec l'intelligence christique, chaque personne doit le faire. Vous savez, le contact avec l'esprit ne se lègue pas par la génétique. Mais la capacité qu'aura le corps de mieux la supporter se lègue génétiquement. Par la suite, l'éducation, le temps et ces choses-là pourront aider. Mais les faisceaux d'énergie supramentale, après le passage du Nazaréen, il y avait le faisceau Nazaréen, et depuis 1967, c'est c'est assez présent, ce qui fait qu'à l'époque, eux n'avaient même pas la possibilité d'être en contact avec le plan, avec leur esprit. Sauf qu'ils étaient suffisamment en contact avec des mémoires dans le plan vital, avec des Melchizedek, avec de l'information qui avait été gardée dans les annales akashiques, donc dans la mémoire du temps, suite à la descente d'énergie supramentale du Nazaréen. La majorité, d'ailleurs, ont travaillé sous les ordres de Lazare, donc du comte de Saint-Germain. Sans le savoir? Certains sans savoir, plusieurs le savaient. Si on regarde le roi Arthur, c'est descendant direct du Nazaréen. Si on regarde différents rois français, descendants directs du Nazaréen aussi. Lancelot, d'ailleurs, c'est cousin d'Arthur. C'est un descendant du Nazaréen. Il y en a eu un Christ. OK. C'est une question ici. Le terme Christi peut dire. Est-ce que c'est les chérubins qui nous ont créés? Bon, le chérubin, c'est une partie de l'énergie de l'enveloppe de l'âme. Alors, l'âme, c'est une, on va dire, une sphère dans laquelle se trouve un centre qui est identifié, qui est l'ego. Et autour, c'est les mémoires volatiles, c'est-à-dire l'expérience que vous gobez quotidiennement en regardant n'importe où, mais que vous ne pouvez pas nécessairement vous rappeler. Sous l'effet d'hypnose, on pourrait vous le ramener. L'enveloppe de tout ça porte un nom, périsprit. Bon, c'est une enveloppe qui est divisée en plusieurs parties du point de vue de la vibration. Alors, il y a, du point de vue corporel, il y a deux chérubins. Un chérubin yin, un chérubin yang. Il y en a un qui sert à transmettre l'information de l'ego, donc de ce que souvent l'humain appelle le moi. Il transforme ça en énergie vitale. L'énergie vitale est ce qui maintient les structures atomiques en ordre, et c'est ce qui va engendrer des altérations au niveau atomique, au niveau de certains neurones, et ça va engendrer des dépolarisations qui vont engendrer une image électromagnétique neuronique qui est la pensée et les mouvements corporels. L'autre chérubin, lui, va faire l'inverse, il va lire ce qui se passe au niveau des sens et du corps, il va le retransmettre en énergie astrale pour que l'ego se lise au courant. C'est l'inverse. Il y a l'enveloppe du chérubin porte un autre nom aussi. Le périsprit, c'est la globalité. Les deux chérubins sont près de l'âme, en contact avec le corps. Et l'enveloppe au complet porte un nom qui est séraphin. Alors, ce n'est pas celui qui ramasse de l'argent. Le séraphin, c'est la partie qui va engendrer le double éthérique et qui va permettre à l'humain, à un moment donné, d'avoir un corps de lumière. À un moment donné, on pourra revenir là-dessus. Là, au niveau des chérubins, ça ne l'a pas créé. C'est sûr que le chérubin crée l'âme, c'est-à-dire que c'est lui qui va se former en forme pour qu'on puisse commencer à accumuler de la mémoire lorsque l'ovule est fécondé. Du point de vue de l'ego, du point de vue de l'âme, le chérubin est le créateur, et ce qui va maintenant venir dans l'âme provient d'un dieu, d'un égrégore, donc du point de vue de l'âme, Dieu l'a créé aussi. Déjà. Le Dieu est dans le ciel, puis le Dieu qu'on parle à l'origine a créé le ciel et la terre. Alors, le Dieu qu'on prie est dans le ciel, c'est pas, il est apparu après. Est-ce possible que les chérubins... Tout est possible. ...soient les seuls anges à avoir des ailes, les autres seraient-ils des imposteurs? Bon, si... Ça paraît drôle comme question. J'ai pas fini, moi. Pas grave, ça paraît drôle comme question. Mais si un voyant verra effectivement des effluves d'énergie autour des chérubins yin et yang, et il aura l'impression que ce sont des ailes. Quand il parle d'imposteur, c'est vrai. Je ne vais pas trop loin, mais il a raison. Les autres styles anges, on parle souvent d'anges noirs à un moment donné, ce ne sont pas des anges, des entités astrales. Et effectivement, ils auront peut-être des ailes aussi, mais ce n'est pas, ce sont des imposteurs. La personne n'est la raison. Mais... Une autre fois, il y a plein de questions là. Hey, oui, un, deux. OK. Se pourrait-il que Lazare, celui qui gouverne certains plans, soit dans l'embarras face à l'humain? Il est surtout dans l'embarras face à ceux qui se conscientisent plus qu'au reste de l'humanité. Il est dans l'embarras face à l'être humain. À l'être humain, mais pas à l'humain, ni à l'animal humain. Ça devait être ça la question. Vous l'embarrassez. Mais vous ne le dérangez pas. Moi, mais finalement... Écoute, il y a plein de questions, là, ce papier, là. C'est parce que c'est... On embarrasse la mécanique, finalement, qui est la même que... Il est embarrassé par lui-même. C'est-à-dire que présentement, on ramasse suffisamment d'énergie, ce qui va atténuer un peu la quantité d'énergie que lui peut recevoir. Et... Le hasard étant une mécanique supramentale uniquement, il n'est pas capable d'amour comme le Nazarien était capable. Mais par contre, sa mécanique de l'intelligence est une mécanique supralogique qui va faire en sorte qu'il ne peut pas toucher à ceux qui se conscientisent. Par contre, ceux qui se conscientisent perturbent un peu le plan planétaire qui m'animait vers l'apocalypse. Ça veut dire que Lazare, c'est un imposteur? Non, c'est un posteur. C'est un profiteur? Non, un posteur. Il a posté plein de personnalités manipulées par lui à la tête de quasiment tous les gouvernements. Il a posté énormément de personnes manipulées par lui à la tête des schémas artistiques, des grands artistes. Il a posté plein de personnes manipulées par lui à travers les hautes sphères scientifiques. Ça veut dire que les mécaniques intraterrestres ou extraterrestres, que moi j'appelle négatives, c'est le même rôle que Lazare, finalement. Lazare contrôle la majorité des mécaniques intraterrestres, sauf que les intraterrestres ne le savent pas. Ils connaissent Lazare, ils pensent que c'est un intraterrestre d'une valeur inestimable, puis ils le suivent et ils obéissent à Lazare. Il faudrait qu'on en reparle, ça. Une autre fois. Une conférence. Feu. Je vis une relation frustrante avec mes enfants, de plus en plus grande. À ce moment, je ne suis pas inhibé où je le suis. Quoi faire? Explique. Bon, je ne peux pas vous répondre comme cela, ce serait extrêmement long. Bon, la personne, de toute façon, elle a la possibilité de me rencontrer de temps en temps, ce qui fait qu'on pourrait peut-être en reparler un petit peu plus. Bon, c'est une personne qui a fait le séminaire. On pourrait en reparler un petit peu comme ça, là à un moment donné, ça va me tenter d'en parler, n'est-ce pas? Mais on pourra en parler. C'est préférable qu'on se voit quelque chose comme ça. Soit dans une conférence spéciale, dans un entracte, quelque chose comme ça, parce que c'est un petit peu long comme ça. Pourrais-tu nous apprendre certaines données nouvelles sur une nation céleste, ange déchu révolutionnaire, prisonnier au fond d'un abîme qui serait libéré depuis 1940? Leur rôle dans les années à venir et pourquoi? Bon, pose-moi une autre question rapidement, là. Et on pourra revenir à celle-là. Ça sera dans votre temps, on va peut-être pouvoir revenir. C'est une très bonne question, mais... L'ange est-il personnalisé? L'ange peut être personnalisé. Il y a même des anges qui, à un moment donné, vont perdre le corps physique, c'est-à-dire que le corps physique meurt. Et les anges personnalisés peuvent, à un moment donné, s'associer à deux ou trois anges pour travailler avec un être humain qui mérite génétiquement ou énergétiquement de se faire aider. Les anges peuvent être personnalisés. La majorité sont pré-personnalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés pertinemment à un individu. La réponse. Est-ce que l'humain est l'attraction des anges, finalement? Oui. Fait que plus t'es beau, plus il trôle alentour. Plus un ange finit par se stabiliser chez toi. Est-ce qu'il se nourrisse de l'humain? Non, il alimente l'humain. Pose les questions, pour ça je répondrai à celle-là, pour ça tu me poses toutes les autres. Qu'est-ce que Popol vous vu? Ce sont des mémoires du passé qui font référence à un contact extraterrestre il y a de cela quelques centaines d'années. On continue. Il y a plein de questions là. Oui. Je fais présentement un travail de réénergisation du corps vital pour par l'écoute de musique classique produisant cet effet. C'est ce que ça donne, effectivement, c'est un très bon choix. Y a-t-il un danger que cette musique du passé me retienne dans la musique classique convenable n'est pas une musique du passé. Dans de vieilles mémoires, non? Non. La musique du passé est une musique du passé. La musique classique n'est pas une musique du passé. C'est toujours ce que l'humain fait. Le verre ici a été créé quand? Je bois dans un verre du passé. Mais il peut être très instantané. La musique, c'est encore plus facile. Si la personne commence à se voir virevolter puis danser à la cour de Louis, je sais plus quoi, là, il y a des problématiques. C'est de faire attention. Mais la musique classique, il n'y a aucun problème. C'est effectivement très nutritif pour le corps vital. Parce que ça, nécessairement, ça attire de réincarnation. Fait que là, il ne faudra pas se faire posséder par ça, c'est ça? Non. Si tu digères, puis en écoutant la musique librement, il n'y a pas de problème. Il y a même plusieurs morceaux classiques qui datent de 1977. Et on dit que ce n'est pas de la musique classique, mais si on regarde les musiques, les musiques thèmes de la guerre des étoiles, c'est du classique. Puis il y a tellement de nouveaux morceaux aujourd'hui qui sont totalement classiques. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été, parce qu'ils sont écrits dernièrement. Il y a plusieurs personnages qui en ont composé des morceaux qui sont classiques. Et il y a des morceaux classiques du passé, écrits par Mozart, entre autres, qui étaient en contact avec une mécanique supramentale colorée, mais qui était très instantanée. Et il y en a plusieurs autres. Beethoven, à un moment donné, ça ne va plus du tout, alors que des morceaux qui sont intéressants. Il y en a en masse. Et c'est extrêmement nourrissant pour le corps vital. C'est un très bon choix. Mozart, c'est bien. Oui ou non? Oui, puis il y en a plusieurs autres. Ça dépend simplement d'individu. Je ne vous donnerai pas un nom. Écoutez un morceau de musique. Lisez même pas c'est qui. Et vous le détestez, c'est pas celui-là. Ah, mais ils ont dit que c'était bon. C'est pas ça. Non. Vous l'aimez, c'est ça. Puis le reste, ça va qui l'a composé. Existe-t-il de la musique Nouvel Âge énergisante? Si oui, il y en a, mais la majorité des musiques du Nouvel Âge commencent par vous drainer de l'énergie. Et c'est pourquoi elles sont relaxantes. Il existe des teintes, des colorations à travers certains morceaux du Nouvel Âge qui peuvent nourrir. On y vient progressivement. Présentement, les musiques qui sont les plus nourrissantes, astralement et vitalement, restent les musiques classiques. Et les musiques les plus puissantes seront des musiques où on aura quelques vocalises à travers la musique. Carmina Burana, entre autres, c'est une musique extrêmement énergisante, à un point tel que la majorité des personnes ne peuvent pas l'écouter. Et il y a différents morceaux comme ça qui sont composés par Orff, qui vont nourrir, mais les musiques du Nouvel Âge, on n'est pas encore rendu là. On s'approche. Lundi dernier, le 4 mars, il y a eu une tempête pendant que beaucoup de personnes... Pensez à celle d'il y a 20 ans. Par la pensée, peut-on influencer le temps? Ou la température, peut-être? Non, par la pensée, on n'influence absolument rien. Si par la pensée, on pourrait influencer, on serait tous millionnaires présentement. Alors, par la pensée, on n'influence rien. Ce qui arrive simplement, c'est que l'humain fait des rapprochements. Ça fait des années qu'on annonce la tempête du siècle. Elle est toujours remise à cause du mauvais temps. Alors, à un moment donné, c'est sûr que Philippe est arrivé. Et puis, les gens ont fait un rapprochement. Bon, alors, il y avait de la neige, les automobiles étaient enterrés. Tandis que lundi dernier, c'est... Non, la pensée n'influence rien, elle influence l'homme, c'est tout. J'ai eu une communication avec une entité ou ange. Par l'intermédiaire d'un médium, il m'a dit que mon âme connaîtrait prochainement une nouvelle élévation et que j'étais dans cette forme pour me diriger vers le centre de l'univers. J'en ai profité pour parler à mon ego par l'intermédiaire du médium? Et si l'univers est infini, est-ce que je suis ce centre de mon point de vue? Bon, il y a du vrai, il y a du faux. C'est évident que le centre de l'univers, je le dis souvent, il se trouve à un pouce en arrière de votre oreille gauche. à tout le monde. C'est le centre. Puis si vous faites du jogging, ben il vous suit. Vous, voyez-vous, le centre d'une sphère infinie, c'est nécessairement partout. C'est pas bien compliqué. Quand les gens ont pris Dieu, ben ben loin, là. En tout cas, bon. J'ai eu une communication par l'intermédiaire d'un médium. Je le dis souvent, médium, c'est médium comme moyen de communication. Il m'a dit que mon âme connaît très prochainement une nouvelle élévation. C'est totalement vrai. Et probablement qu'il parlait comme moi je parle. Et effectivement, dans quelques années, vous allez connaître une formidable élévation. Bon. Puis lui, le connaissant, il va dire quelques années, ça veut dire 200 ans, 2000 ans, 2-3 millions, 2 milliards d'années. Quelques années. Dans l'infini, quelques années, ça peut être bien des choses. J'étais dans cette forme pour me diriger vers le centre de l'univers. Il y a un astrologue qui est extrêmement bon, qui un jour a décidé de faire ma carte du ciel, sans me demander mon avis. Il m'a prédit qu'en 1986, je rejoindrais les maîtres du monde au centre de la Terre et que ceux-ci m'attendaient depuis longtemps. Mon égo était content. Et c'est en 81 que... 79 qu'il me dit ça. J'ai effectivement rencontré certains maîtres. Et tout cela fait partie du mensonge cosmique. Tout cela fait partie de l'illusion astrale. Et cela fait partie d'une mécanique de manipulation qui fait en sorte qu'à un moment donné, on décide d'accomplir notre petite prophétie privée. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous dire ce qui va vous arriver si de toute façon, c'est ça que vous faites? Mais si on vous le dit, c'est parce qu'on veut vous crocher. C'est parce qu'on veut vous canaliser. On veut vous banaliser. T'es tellement belle que toi, tu vas arriver à évoluer. Mais pourquoi tu es si belle que ça, j'ai rien à dire. Elle le sait, elle le fait, c'est parfait, j'ai rien à rajouter. Et si je commence à en rajouter, c'est que je veux colorer. Et l'astral, c'est la seule chose qui parle par les médiums. Et c'est un grand récupérateur de personnes qui avancent et qui sont correctes. Probablement que la personne, elle est solidement bien correcte. Et on s'est arrangé pour corrompre subtilement quelque chose chez elle. Bon, c'est pas la mer à boire. Mais il faut faire attention à ce qui est dit, etc., etc. C'est sûr que dans l'absolu, ça restera vrai. Et dans l'absolu, ça restera faux. Est-ce que je dois m'approcher de toi ou du groupe des chefs afin de préparer et passer l'initiation solaire? Tant que certains individus du groupe des chefs ne vous plaisent pas, c'est pas le temps d'approcher. Donc, c'est pas moi qui va répondre. C'est toujours une question d'affinité et de vibration. Pour passer l'initiation solaire, mais non. On approche du groupe des chefs uniquement parce qu'on se rend compte qu'on peut peut-être, on est peut-être prêt, en tant qu'être humain conscientisé, à rencontrer des amis, des vrais amis qui vont être capables de nous laisser totalement être ce qu'on est, qui vont être capables d'être... parce que le groupe des chefs, les personnes qui sont dedans sont tellement subtiles qu'ils sont capables de ramasser la moindre petite partie de votre ego. Donc, finalement, êtes-vous prêt à être obligé à être transparent avec vous-même? Moi, je réponds pas à ça. Les personnes font les démarches qu'ils ont à faire, puis bonjour... Le libre arbitre n'existe pas. Ben, la preuve, la personne a été obligée d'écrire la question. Nous ne sommes plus dans une période où nous devons comprendre quand que ce sera le temps, ce sera le temps. Nous sommes dans une période où ce sera le temps quand vous déciderez avec votre intelligence que c'est le temps d'appliquer. Comment concilier ce sera le temps quand je veux que ce soit le temps, ou n'ai-je aucun libre arbitre? Ah bon. Il faut bien comprendre une chose, il y a énormément, et dans les temps qui vont venir, ça va être de plus en plus comme ça, il y aura énormément de paradoxes d'évolution qui vont apparaître. Le paradoxe existe uniquement parce qu'il y a une partie de ce qui est communiqué qui s'adresse à votre esprit, et il y a une partie de ce qui est communiqué qui s'adresse à vos égaux. Dans l'ère ancienne, l'évolution de l'animal humain ou de l'humain, ce qui est la majorité de ce qui habite sur la planète Terre, l'humain qui veut cesser de fumer peut commencer aujourd'hui. Si c'est dans 4 ans qu'il arrêtera, il va travailler pendant 4 ans, puis il va arrêter dans 4 ans. Il peut commencer dans 4 ans, il va arrêter tout de suite, puis il va dire « c'était facile ». Par contre, l'humain qui arrive à transiter suffisamment vers l'être nouveau, donc il devient un être humain, eh bien lui, ça va être le temps lorsqu'il va décider d'arrêter de fumer. Il n'aura pas plus de libre-arbitre, et c'est long à expliquer, mais il a une liberté, il est libre dans sa conscience, et libre dans sa conscience, il va être capable d'ajuster des choses dans l'expression de sa vie. Il ne décidera pas qu'un tel ou un tel va faire ceci ou cela. Il ne décidera pas qu'il va pleuvoir ou pas. S'il décide qu'il doit pleuvoir, c'est parce qu'il aura une raison de le faire pleuvoir, et la raison devient nécessairement une raison motrice, donc une manipulation. C'est pas du libre-arbitre. L'être humain est libre dans sa conscience, alors que ceux qui ne sont pas des êtres humains n'ont pas suffisamment de liberté dans leur conscience, parce qu'elle est pilonnée par la pensée. Alors ça pense quand on veut dormir au lieu de nous laisser dormir, ça pense pour nous faire changer, ça fait du coq à l'âne. On dit « je manque de concentration », c'est parce qu'on pense. « Je suis dans la lune », c'est parce qu'on pense. « J'ai oublié », c'est parce qu'on pense à d'autres choses. On pense, on est manipulé par la pensée, de ce fait, on n'a pas de liberté dans la conscience. Ça se développe, ça en vient lentement. Un jour, et ce n'est pas moi, un jour, chaque être humain, lorsqu'il sera suffisamment libre de sa conscience, va décider de se prendre en main et de bouger. Et quand il va le faire, ce sera son temps. Alors on pourra dire son heure est venue. Il pourra accomplir. Quand mon heure, moi, est venue, ça ne veut pas dire que la vôtre est venue. Et à un moment donné, ben, vous allez vous-même être dans un état pas où vous allez décider que, où vous allez constater que. Alors le paradoxe, il est là. C'est que pour la majorité, ils vont le faire quand ça va être le temps. Et pour une minorité, ça va être le temps quand ils vont le faire. Et l'humain peut passer d'un à l'autre. Je suis dans une période de ma vie où je n'ai aucune idée de ma valeur réelle à tout point de vue. Suis-je réellement intelligent ou sans douceur, ou le contraire, ou au milieu? Suis-je ancien, alternatif ou nouveau? Suis-je quelqu'un? Il est évident que si je me pose ces questions, c'est que je me crois médiocre et que mon ego voudrait qu'on le confirme. Il est évident qu'en disant ça, ça prouve qu'il est intelligent. Pauvre con, je suis donc médiocre et intelligent de le voir. Voilà, c'est ce que je me dis. Alors la personne doit maintenant comprendre une petite chose, c'est qu'il est habité par un virus qu'on appelle l'ego, qui habite dans une enveloppe qu'on appelle l'âme. Et l'ego parle sur la feuille et son esprit parle sur la feuille. Et c'est ce qui arrive souvent aux personnes qui transitent. Et c'est là que ça devient dangereux de rester une personne mentalisatrice. Ça, c'est de la mentalisation. Je ne dis pas que la personne est bloquée là. C'est de la mentalisation. Bon, tout sert à rien, puis tout sert à quoi, puis c'est niaiseux, puis ça sert à rien de vivre, fait que je me suicide, mais c'est aussi con de me suicider, fait que je vais rester en vie. Mais vivre sert à rien, mourir non plus. Puis tout est beau, tout est laid, puis encore là, on s'en fout. C'est de la mentalisation. Je suis dans une période de ma vie où je n'ai aucune idée de ma valeur réelle à tout point de vue. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant capable de prendre en conscience l'expression de plusieurs de ses niveaux. Alors, c'est comme si la compagnie se mettait à crier « Je suis portier, non, je suis comptable, je suis directeur, ben, c'est moi qui ramasse les vidanges, je ramasse les vidanges de ma vie, ben oui ou non, ben, c'est toute la compagnie au complet qui parle. » Alors que c'est tout un ensemble, l'humain est un ensemble. Et là, ici, ben, il y a deux ensembles qui s'amusent. Valeur réelle à tout point de vue. Suis-je réellement intelligent et sans douceur? La majorité de ceux qui se conscientisent n'ont pas encore atteint le plan bouddhique. Il ne faut pas grancher un petit fil. Alors, ils ont de l'intelligence supramentale. Leur manque effectivement un peu d'intelligence qu'il y a du cœur. Ou le contraire, suis-je très doux et pas intelligent? Mais ça doit pas de façon dont l'écrit. Ou au milieu? Non plus. Suis-je ancien alternatif au nouveau? Exact. Il est évident que si je me pose ces questions, c'est que je me crois médiocre, c'est évident, et que mon ego voudrait qu'on le confirme. C'est confirmé, l'ego est médiocre. Pauvre con, je suis donc médiocre et intelligent de le voir. Effectivement, très intelligent. Ça m'écœure. Oui, l'ego. Parce que l'ego, lui, finit par vouloir copier l'intelligence. Il se met des concepts de ce que c'est que l'évolution, puis il dit, crime, j'aimerais être là-dedans. L'ego ne sera jamais intelligent. L'ego, il va apprendre. Puis à un moment donné, il va se purifier, il va s'en égoïser, il va devenir un double éthérique absolument parfait, une âme pure, et tout va bien aller. Ça m'écœure, oui. L'écœurement fait que l'ajusteur se dégage. La personne, je ne sais pas si elle a fait un similaire. Si elle ne l'a pas fait, à un moment donné, c'est à elle de choisir. Ça pourrait être intéressant qu'on jase quelques journées là-dessus. Parce qu'elle est dans un moment où elle est capable de s'en sortir. Ça peut être souffrant, ça peut être un petit peu long, mais elle est capable, elle n'a pas besoin de moi. Bon, on peut s'amuser ensemble un bout de temps, après ça peut alléger énormément sa transition. Mais la personne, elle est capable, elle a tous les outils pour. C'est donc une personne intéressante à rencontrer. Et ça l'écœure, et quand on sera écœuré d'être écœuré, ça va avancer. Être ému égale émotion égale âme. Non. Non, ouais. Ah, on peut jouer avec les mots. Je dis pas le contraire. Mais quand je parlais d'ému, je parle de sentimentique. C'est-à-dire que la personne vibre un sentiment à l'observation d'un événement. Et normalement, l'être nouveau a la faculté de pleurer, mais il ne braille pas. Donc, des larmes peuvent même apparaître. Ça peut ne pas. Je parle bien d'ému, et je ne faisais pas référence à l'émotivité. C'est comme de parler de l'amour. L'amour, c'est une émotion. Dans ce que je dis, moi, l'amour n'est pas une émotion. Alors, être ému, c'est exprimer de l'amour. Je parle d'amour intelligent. Mais c'est évident que la personne, elle peut, elle a raison, du point de vue de certaines formes d'interprétation, ému, émotivité, émotion, je n'ai rien contre. Mm-hmm. Pas dans ce que j'ai expliqué. Le mot ému, je m'en suis servi pour expliquer une résonance énergétique, vibratoire, avec un événement, et avec ce qui est angélique ou avec ce qui est intéressant chez l'individu. Donc, je ne dis pas que la personne a tort. Ce que j'explique bien, c'est que le mot ému, moi, je le définissais pas comme ça. Il me semblait avoir compris que l'âme et les émotions, c'était de la M 4 points. Ah oui? Oh, c'est M 4 points, oh, c'est intéressant. Exact. Encore une fois, vous devez développer chez vous la capacité de comprendre les mots en fonction des valeurs énergétiques qu'on veut leur donner. Il y a une personne un jour qui va dire « Hey, je suis un père pour toi. » Ça, c'est un vendeur de rasoir. Qui va te conseiller. Un autre va dire « Je suis un père pour toi. » C'est peut-être un moine qui veut vous aider. C'est pas mal plus vrai. Il faut percevoir la valeur énergétique qu'on place sous les mots, parce que j'ai déjà inventé pas mal de mots. Alors, j'aimerais savoir les rôles des chérubins, de l'archange Michel, chef des archanges, de les prophéties au sujet des ovnis, de l'Agartha et de la Shambhala. Cassette numéro 8, 27, 47, 143, 147, c'est 208. Bon, les chérubins, c'est réglé. L'archange Michael, on pourrait, de toute façon, la semaine prochaine, on va parler un peu plus de mécanique archangélique et des extraterrestres. Il y a plusieurs sortes. Alors, on va reviendra là-dessus. Dans les prophéties au sujet des ovnis, de l'Agartha et Shambhala, j'ai déjà fait des conférences aussi directement sur l'Agartha et Shambhala et sur les contacts avec les ovnis. On peut s'y référer. Je vais revenir dans d'autres conférences. Je n'aurai pas le temps ce soir-là. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment trop long. Pourrais-tu nous apprendre certaines données nouvelles sur la nation céleste? C'est là que j'avais dit que je voulais répondre plus tard. Oui. Bon, c'est deux très longues, mais j'avais... Voilà, celle-là, ici, le, c'est pas le hasard a fait que celle-ci passe en premier, et puis l'inventeur de l'horloge a fait qu'il était maintenant, bon, 22h. Pourrais-tu nous apprendre certaines données sur une nouvelle nation céleste d'anges déchus révolutionnaires, prisonniers au fond d'un abîme qui serait libéré depuis 1940? Le rôle dans les années à venir et pourquoi? Ici, on a affaire à un mélange d'informations qui a été divulgué à un moment donné rapidement. En tout cas, je sais que ça a été divulgué il y a quelques temps, sinon quelques années, par une personne à moustache. Bon. Et il y a effectivement des associations intéressantes à faire là-dedans. Bon. Qu'est-ce qu'un ange déchu? L'histoire est longue. Je vais en faire un petit résumé. L'histoire est longue. Dans le roman La Cité de Sept que j'ai écrit, on en parle beaucoup. Je ne mets pas le mot ange déchu. On en parle beaucoup. Historiquement parlant, la vision des anges a toujours été l'accueil de mécaniques extraterrestres. Archanges ou anges, c'était des extraterrestres. Et lorsque l'humain a eu des contacts avec certains extraterrestres dans le passé, il appelait ça des anges. Ces anges étaient déchus parce que ces anges étaient révoltés. Ces anges, des extraterrestres, avec des corporalités similaires à la nôtre, mais pas identiques, ils sont androïdes, ressemblant à l'homme, mais pas andromimétiques, ils ne sont pas identiques. Et ces personnages ont vu leur évolution se corrompre, donc ils ont évolué biologiquement, psychologiquement, astralement, etc., cela au contact du plan planétaire. Et ce sont des personnalités, donc des êtres, qui se sont révoltés à un moment donné dans un contexte évolutionnaire pour des raisons qui... serait dangereuse astralement de communiquer présentement parce que ça pourrait réveiller certaines mécaniques lucifériennes chez la majorité des personnes qui écouteraient la cassette. N'empêche qu'ils se sont révoltés en fonction d'un plan, d'une mécanique qui s'adressait à leur planète et qui s'est adressée à la nôtre. Et ils ont été, à un moment donné, placés en prison sur la Terre. Ils venaient d'un monde qui était drôlement plus avancé du point de vue du contrôle de la matière et du contrôle de l'expression de l'énergie de l'humain. Ils ont appris à avoir de l'ego et de l'âme au contexte planétaire. Ils sont en phase de travail pour parvenir à engendrer des génétiques associées à l'art. Ils ont engendré les gargouilles, ils ont engendré différentes mécaniques de loups-garous dans le passé, ils se sont essayé de se mélanger avec les animaux, ça n'a pas fonctionné. Ils travaillent sur l'humano-coïncidence génétique depuis l'an 1940. Ils ont donc réussi à sortir à la surface du plan planétaire, à entrer en association avec différents dirigeants des gouvernements de la planète. Et ils kidnappent des enfants, des femmes enceintes, ils les mettent enceintes, ils les avortent par la suite. Et donc, ils ont un travail comme ça au niveau de l'humano-coïncidence génétique. Ils essaient de voler la génétique humaine de façon à avoir des corps physiques capables de leur permettre de remonter à la surface. 99,9% de toutes les rencontres extraterrestres depuis le début des temps, aller jusqu'à maintenant, ont été des rencontres avec des extraterrestres. Donc, grosso modo, c'est ce que ça donne. Le rôle dans les années à venir, c'est un rôle... c'est eux qui ont motivé, qui motivent énormément l'islam à entrer en guerre sainte contre le reste de l'humanité. C'est eux qui motivent le désarmement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'une guerre nucléaire globale altérerait trop leur génétique, c'est extrêmement dangereux. C'est eux qui manipulent les mécaniques de pollution pour engendrer un effet de serre. Parce qu'ils ont besoin de chaleur, le froid et la Terre se refroidissant depuis des millions d'années, leur génétique a tendance à évoluer. Ils ont besoin aussi d'atmosphères sulfureux et nitreux, parce que sous le sol, c'est ce qu'ils respirent. De ce fait, les usines vont polluer beaucoup avec des nitrates et des sulfures, ce qui va engendrer d'ailleurs les pluies acides. Et bref, ils sont en travail, en ascension depuis, disons, le 1940, Dans le contexte planétaire, évidemment, il y a des mécaniques de protection au niveau lunaire. C'est pas mal tari au niveau de Ganymède, surtout, et de Vénus. Mais encore là, c'est assez tari. Il y a une intervention qui s'intéresse, beaucoup plus supramentale, qui se prépare pour aider l'humanité. Et les intraterrestres font partie de la solution finale, c'est-à-dire que les intraterrestres ne le savent pas encore. Il y aura probablement dans l'Apocalypse une guerre, à un moment donné, entre des mécaniques intraterrestres. L'humain parle de la venue d'extraterrestres, en face desquels l'humain aura se battre. Il y a eu une série télévisée, à un moment donné, qui s'appelait V. C'est une assez bonne interprétation. C'est des lézards, c'est vert, ils se déguisaient en humains, ils prenaient le contrôle d'eux, il y avait une grande science. Ça ressemble, lorsqu'on regarde E.T., c'est pour préparer l'humain. Lorsqu'on regarde différentes mécaniques du genre, on prépare l'humain au contact extraterrestre, mais c'est des intraterrestres. Et la dernière nouveauté, c'est les ninjas mutants, les tortues, qui viennent du sous-sol de l'humanité, qui viennent donc des égouts, donc de sous la terre. Ce sont des mutants qui viennent pour aider l'humain. On prépare l'humain nécessairement à se faire aider. Dans l'avenir, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire et ça ne vaut pas encore. Enfin, c'est dans la Cité de Sept, je parle un peu de ce qu'ils auront à faire et de ce qui se passe présentement pour contrer un peu ce qui en est. Mais grosso modo, là, c'est ce qui en est à propos de ces personnages-là. Et si je regarde d'autres, mais je n'aurai pas le temps tellement. Le rôle des chérubins, l'archange Michael. L'archange Michael, c'est une... On va parler la semaine prochaine des archanges. Lagartha et Shambhala, brièvement. Lagartha et Shambhala sont des bastions, sont des cités souterraines vers lesquelles ont fui la majorité des premiers contactés supramentales pour ne pas mourir. Et ils auraient pu se fusionner. Ils n'ont pas eu l'énergie de la fusion entre leur double éthérique et eux-mêmes. Et ils sont présentement... Ils ont travaillé, c'est ce qu'on a appelé les maîtres du monde. Ils ont travaillé pendant des milliers d'années à faire évoluer l'humanité pour pouvoir amener l'humanité à un niveau énergétique tel que ces personnages pourraient drainer l'énergie des humains pour s'en servir pour eux-mêmes dans le but de fuir le contexte involutionnaire de la planète. Donc, ils sont yaviques en ce sens qu'ils sont bénéfiques à l'humanité jusqu'au jour où l'humain arrive à un niveau d'énergie particulier. Alors là, ils deviennent sataniques, c'est-à-dire qu'ils forcent l'humain à ne pas évoluer. Lagartha, première, Shambhala, deuxième, Lagartha des Bouches au Québec. Et les deux sont, pour l'être humain qui se conscientise, des problématiques. Alors que pour le reste de l'humanité, c'est intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec le prioritaire? Ils ont des connexions, mais ça n'a pas de rapport direct. Là-dessus, je vous laisse la semaine prochaine, la première rencontre avec un extraterrestre, et puis là, on va commencer à fouiller dans l'extraterrestrialité. J'essaierai de le prendre, de dire ça.